m'inquiète pas qu'on en arriverait là. Ne quitte pas, fais pas ça, je serai toujours là pour toi. Toutes ces filles dans mon lit, ce n'est pas que tu crois. Ce ne sont que des amis, tu sais bien que je n'aime que toi. De toi je ne peux me passer, je veux pas que tu fasses partie de mon passé. Ces événements m'ont dépassé, je ne voulais surtout pas blesser. Laisse-moi la chance de te prouver que pourquoi je pourrais changer. Je suis qu'un homme, je suis désolé, désolé, désolé, hey.